Nombre chapitre 6. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant. Parle aux enfants d'Israël, et leur dit, quand un homme ou une femme aura fait le vœu de Nazaréen, pour se faire Nazaréen à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de cervoise, il ne boira d'aucun vinaigre fait de vin ou de cervoise, ni d'aucune liqueur de raisin, et il ne mangera point de raisin frais, ni de raisin sec. Durant tous les jours de son Nazaréat, il ne mangera d'aucun fruit de vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Le rasoir ne passera point sur sa tête durant tous les jours de son Nazaréat. Il sera saint jusqu'à ce que les jours pour lesquels il s'est fait Nazaréen à l'Éternel soient accomplis, et il laissera croître les cheveux de sa tête. Durant tous les jours pour lesquels il s'est fait Nazaréen à l'Éternel, il ne s'approchera d'aucune personne morte. Il ne se souillera point pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur, quand ils seront morts, car le Nazaréat de son Dieu est sur sa tête. Durant tous les jours de son Nazaréat, il est saint à l'Éternel. Que si quelqu'un vient à mourir subitement auprès de lui, la tête de son Nazaréat sera souillée, et il rasera sa tête au jour de sa purification, il la rasera le septième jour. Et le huitième jour il apportera au sacrificateur deux tourterelles, ou deux pigeonneaux, à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et le sacrificateur en sacrifiera l'un pour le péché, et l'autre en holocauste, et il fera propitiation pour lui de ce qu'il a péché à l'occasion du mort, il sanctifiera donc ainsi sa tête en ce jour-là. Et il séparera à l'Éternel les jours de son Nazaréat, offrant un agneau d'un an pour le délit, et les premiers jours seront comptés pour rien, car son Nazaréat a été souillé. Or c'est ici la loi du Nazaréen, lorsque les jours de son Nazaréat seront accomplis, on le fera venir à la porte du tabernacle d'assignation. Et il fera son offrande éternelle, d'un agneau d'un an centaure, en holocauste, et d'une brebis d'un an centaure, pour le péché, et d'un bélier centaure, pour le sacrifice de prospérité, et d'une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fine farine, pétris à l'huile, et de beignets sans levain, point d'huile, avec leurs gâteaux, et leurs aspersions, lesquels le sacrificateur offrira devant l'Éternel, il sacrifiera aussi sa victime pour le péché, et son holocauste, et il offrira le bélier en sacrifice de prospérité à l'Éternel, avec la corbeille des pains sans levain, le sacrificateur offrira aussi son gâteau, et son aspersion. Et le Nazaréen rasera la tête de son Nazaréat à l'entrée du tabernacle d'assignation, et prendra les cheveux de la tête de son Nazaréat, et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur prendra l'épaule bouillie du bélier, et un gâteau sans levain, de la corbeille, et un beignet sans levain, et les mettra sur les paumes des mains du Nazaréen, après qu'il se sera fait raser son Nazaréat. Et le sacrificateur tournoiera ces choses en offrande tournoyée devant l'Éternel, c'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine de tournoiement, et l'épaule d'élévation, après quoi le Nazaréen pourra boire du vin. Telle est la loi du Nazaréen, qui aura voué à l'Éternel, son offrande pour son Nazaréat, outre ce qu'il aura encore moyen d'offrir, il fera selon son vœu qu'il aura voué, suivant la loi de son Nazaréat. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant. Parle à Aaron et à ses fils, et leur dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, en leur disant. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse luire sa face sur toi, et te fasse grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi, et te donne la paix. Ils mettront donc mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai.